喂，哎，谁得到那个酒？我比这喜欢嘞。 喂， 告诉那个朋友，你发育很快嘞。 喂， 啥没发育？Blanc immaculé, ouais. Je dis pas la facture, je vous laisse la calculer. Ouais. Oh là là, j'ai pas calculé. Aussi. Oh là là, j'ai pas calculé. On l'a pas trouvé. J'ai pas culé. Ça veut dire quelque chose, pas culé? Pourquoi? C'est pour moi que ça veut dire quelque chose. C'est important. Ah oui? Continue comme ça. Si vous aimez ça. La suite de la chanson! Oui! Oh mon Dieu, quelle torture d'être véhiculé dans l'ambulance, c'est sûr. On est très bousculé. Rachetons une ceinture. J'ai pas articulé. Pour moi maintenant, c'est sûr. Fini déjà. Déjà, oh là là, j'ai pas culé. Oh là là, j'ai pas eu de chance avec cette voiture. C'est facile, hein.